La filiale de Step Out Show de l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et Skolinikov, premier secrétaire du comité central du Parti des travailleurs communistes et président du présidium permanent de l'Association nationale des amis du peuple coréen Kim Il-sung, Kim Jong-il de Biélorussie, ont publié respectivement une déclaration et une communication contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes.